digital. Y'all ready? Y'all ready? On the way, on the way. Hey, akay fouye kou bite, akay fouye. Akay fouye. Akay bay sa mani, makay bay. Bay li. Abo kashire sa amo ki boss man. Ato. Mo pa mele ke sa makari poin. Makay fouye kou bite, akay fouye. Akay fouye. Akay bay sa mani, makay bay. Bay li. Abo kashire sa amo ki boss man. Nah. Mo pa mele epi sa makari poin. Baby kouman se bese. Tonight se décompressé. Watch it. Déhanche brené fessier. Je dis déhanche brené fessier. La se bordel ka fête pa ni zouk la. Nah. Se djoukak la même pa ni coupable. Nous la tout seul pa ni fou. Zavè tous les autres si yo pri, eh. Fok ou ke pousse y monte si les descend. Yo ka prétend kon sa yo se vie femme. Mais les bordels commence yo se pon. Ouais. Non pas menti ou peke sa dépend. Ah, tic pitak pitak tic. Yo les go fes go se la street. Mandou tic pitak pitak tic. Gade go se bonda a street. Ma kay fouye kou bite an kay fouye. An kay bay sa mani ma kay bay. Bay li. Abo kashire sa amo ki boss man. Mo pa mele ke sa ma kari point. Ma kay fouye kou bite an kay fouye. An kay bay sa mani ma kay bay. Amo kachire sa amo ki boss man. Mon pa mele et puis ça m'a carré point. Pa ouais c'est vent, je dis y'a c'est blanc, pas comprendre c'est évident. Un bel morceau vient, ma cabasse dedans. Je mets tout dedans, je mets tout dedans. T'oublies tes prétendants. En attendant, baby ma t'es qu'est-ce là. Pas jouer et puis ça. Y'a ni business de ça. On nous taille Ibiza. Baby bang dang for me. Baby bang dang. Bang dang. Manifest for me. Baby bang dang. Bang dang. Foutou belle belle baby. Yaki bang dong, bang dong. Ouvre cocotte la for me, baby bang dong, bang, bang dong. An kay fouye kou bite, an kay fouye. An kay fouye. An kay bay sa mani, man kay bay. Bay li. Abo kashire sa amo ki boss man. Ato. Mo pa mele ke sa makari point. Man kay fouye kou bite, an kay fouye. An kay fouye. An kay bay sa mani, man kay bay. Bay li. Abo kashire sa amo ki boss man. Nah. Mo pa mele epi sa makari point.